الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Je permets pas d'être filmé. Si tu as filmé, tu effaces. Barakallahu fik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بالإصلاح، ونهانا جل وعلا عن الإفساد. لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بالصلاح والإصلاح، وأثنى على المصلحين. وفي المقابل يا عباد الله، نهانا جل وعلا عن الفساد والإفساد. ألا واعلموا يا عباد الله بأن أعظم الإصلاح والصلاح وتوحيد الله جل وعلا، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا محذرا من الإفساد والفساد، ونهيا عنهما، وإخبارا على كراهيتهما، والله لا يحب الفساد. وقال جل جلاله والله لا يحب المفسدين. وحذرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فقال سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودعا الله عز وجل إلى الاتعاظ بالأمم السالفة وما أحل الله بها من العاقبة أو من العقوبات الوخيمة، فقال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ونهى الله عن تعظيم كل مفسد وعن اتباعه وطاعته، فقال ولا تتبع سبيل المفسدين، وقال ولا تطيع أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وذكر الله نماذج من الأمم السابقة دعوة للعباد بأن يعتبروا كما في قصة فرعون، فقال فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، بجميع المفسدين في كل مكان وزمان. وأعظم الإفساد الإشراك بالله عز وجل والبدع وما حرم الله سبحانه وتعالى. ألا ولتعلموا يا عباد الله أن من أعظم الإفساد في أرض الله جل وعلا قتل النفس التي حرم الله. القتل من أعظم الكبائر، من أعظم الجرائم، ومن أكبر الكبائر. قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل ذنب عظيم وموبقة مدمرة لصاحبها، حرمه الله عز وجل على الأمم جميعا. قال الله: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقرن الله عز وجل في التحريم في غير ما آية من كتابه العزيز بين القتل والشرك والزنا، ذكرها معا لخطورة هذه الذنوب وشناعتها، كما أثنى الله عز وجل على أوليائه المتقين وعباده المؤمنين في وصف صفات أو في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالقتل يا عباد الله ذنب عظيم وأثره سيئات جدا، وأول قتل حصل في أرض الله عز وجل وصف لنا في قصة ابني آدم. قال الأول: لأقتلنك. وقال ابن الثاني: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أيها الناس، إن القتل من أكبر الكبائر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. والقتل من الكفر الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالقتل من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والقتل من أعظم الجرائم عند الله رب العالمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. الله أكبر، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي. ويوم القيامة صاحب القتل يفضح على رؤوس الخلائق عياذا بالله، كما أخبرنا عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني، يا رب قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش. رواه أحمد. فالويل لمن أقدم على هذه الجريمة العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها المؤمنون، الله nous a certes ordonné dans son livre le bien et la réforme, et nous a ordonné de commander le bien, le convenable, et de mettre en garde contre le blâmable. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui sèment le bien et propagent le bien sur sa terre, et ceux qui réunissent le bien tout entier, c'est l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration seule d'un culte sincère, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui nous a été commandé. Et en face de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous a interdit le désordre et nous a interdit de semer le désordre sur sa terre. Et il nous a informé dans son livre qu'il n'aime pas les semeurs de troubles et qu'il n'aime pas le désordre. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, Allah n'aime pas le désordre. Et dans un autre verset, Allah n'aime pas ceux qui sèment le désordre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, nous interdit de semer le désordre sur sa terre après qu'elle fut réformée. Après qu'elle fut réformée de par l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le tawhid, avec la science utile et les actions pieuses. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, et ne semez pas le désordre sur la terre après sa réforme. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé dans son livre à méditer et à tirer des leçons des peuples anciens. Lorsqu'Allah nous a décrit, suite au désordre qu'ils ont répandu sur la terre, quelle fut leur mauvaise finalité et quel fut le châtiment qui les a touchés, il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens, observez donc, méditez donc, quelle fut la finalité, la punition des semeurs de troubles. Et Allah nous interdit dans le Coran de suivre et d'obéir à ceux qui sèment le désordre sur sa terre, en nous disant, et n'obéis pas, ou plutôt ne suis pas le chemin des gens du désordre. Et n'obéis pas à toute personne semant le désordre sur la terre, sur sa terre, et ne la réformant pas. Et Allah nous cite des exemples de ces peuples passés. À l'image de Pharaon et de son armée, il nous dit, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Ils y ont grandement semé le désordre. Puis Allah Azza wa Jal nous informe que suite à cela, il a déversé sur eux toutes sortes de châtiments. Puis il nous dit, إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Ton Seigneur demeure aux aguets. C'est-à-dire pour toute personne qui viendra ensuite, il aura la même finalité s'il fait les mêmes actions, c'est-à-dire semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Et cela en tout temps, toute époque et dans tout endroit. Sachez mes chers frères que le pire des ordres, c'est le polythéisme. C'est le fait d'assigner un égal à Allah Azza wa Jal alors que c'est lui qui nous a créés, nous a accordé notre subsistance, nous a guidés, tout donné. Ceci est le pire des ordres sur la terre d'Allah Azza wa Jal, car il infirme le droit d'Allah Azza wa Jal. Puis, l'innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui infirme les droits du prophète alayhi salat wa salam. Sachez après cela, mes chers frères, que parmi le pire désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le meurtre. Il y a le meurtre. Et ce de quoi nous pouvons témoigner ces jours-ci, dans plusieurs villes, comme le crime qu'il y a eu à Paris, et comme le crime qu'il y a eu à Duni, et dans d'autres villes. Et si on médite les causes, il n'y a aucune chose qui pourrait justifier cela. Mais ça n'est que désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça n'est qu'égarement de la part d'une partie de certains jeunes qu'Allah nous guide et leur accorde la guider. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et celui qui tue un croyant, volontairement, sa rétribution sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah se met en colère contre lui, le maudit, et lui prépare un châtiment immense. Le meurtre est un des pires péchés qui cause la destruction du criminel. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a interdit dans l'ensemble des livres révélés, à l'ensemble des communautés passées, ainsi que la nôtre. Dit, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne commettez pas le polythéisme, ne lui associez rien. La bienfaisance envers les parents. C'est-à-dire qu'Allah nous a interdit le shirk. Et nous a interdit la désobéissance envers les parents. Et il nous ordonne d'être bienfaisants à l'égard des pères et mères. Puis il nous dit, selon la traduction, et n'assassinez pas vos enfants. Parce que vous êtes pauvres. C'est nous qui vous accordons votre subsistance ainsi que la leur. Et ne vous approchez pas des turpitudes. La fornication est haute, ce qui est apparent est caché. Et ne commettez pas le meurtre. Ne commettez pas le meurtre. Voici ce que votre Seigneur vous a commandé. Voici ce qu'on vous a commandé afin que vous réfléchissiez. Afin que vous soyez doués de raison. Et dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité à côté du polythéisme, le pire des péchés par lequel il fut désobéi, Jalla wa ala, le meurtre. Le meurtre. Car c'est un péché très grave et ses conséquences sont très néfastes. À l'inverse, il a fait les éloges, subhanahu wa ta'ala, de ses serviteurs pieux, comme étant des gens qui s'éloignent du polythéisme, du meurtre et de la fornication. Il nous dit ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités ne commettent pas le meurtre ni la fornication, et celui qui s'adonne à cela rencontrera son Seigneur pécheur, son châtiment sera décuplé et le jour dernier il demeurera éternellement dans cette humiliation. Et le premier meurtre qui a été commis sur la terre d'Allah Azza wa Jal est celui d'un des deux fils de Adam alayhi salam. Le premier a dit au deuxième, je vais te tuer. Et le deuxième a répondu, si tu tends ta main pour m'assassiner, je ne tendrai pas la mienne pour t'assassiner. Certes, j'ai peur d'Allah le Seigneur des mondes. Le meurtre est un des pires péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les plus grands péchés sont le polythéisme, le meurtre, la désobéissance envers les parents, le mensonge ou le faux témoignage. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, insulter le musulman est une perversion et l'assassiner est une mécréance. Donc le meurtre est une mécréance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, c'est du kufr asrar, c'est une mécréance mineure, c'est-à-dire qu'elle n'excommunie pas la personne de l'islam, mais c'est parmi les pires péchés. Le meurtre est un des plus grands crimes chez Allah Azza wa Jal, et une des plus grandes désobéissances, à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'entièreté de ce bas monde disparaisse est moins grave chez Allah que d'assassiner une seule personne sur l'islam. La disparition de l'ensemble de ce bas monde est moins pire chez Allah subhanahu wa ta'ala que le meurtre d'une seule personne. Et les jours derniers, sachez que celui qui a été assassiné, ou celui qui a assassiné plutôt l'assassin, sera humilié en public, dévoilé et rabaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a été assassiné, celui qui a été tué, viendra avec l'assassin le jour de la résurrection. Il le tiendra par le toupet et par la tête. Il le tiendra d'ici et il le tiendra par la tête. Et il ira se plaindre à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la tête sera en sang. Et il dira, ô Seigneur, un tel m'a assassiné. Dans une version, ô mon Seigneur, sel hada fima qatalani. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Et il ne cessera de se plaindre jusqu'à ce qu'on lui permette de se rapprocher du Arsh, du trône d'Allah Azza wa Jal. Que pourra répondre l'assassin à ce moment-là? Celui qui se vantait dans ce bas monde d'être redouté, d'être craint, alors qu'en réalité il était humilié de par son péché, alors qu'en réalité il marchait derrière les pas du shaytan, wal'iyadu billah. On se rappelle ce sujet de la plus haute importance, la plus haute gravité, car ces jours-ci, nous avons pu entendre pour beaucoup d'entre nous plusieurs crimes aux alentours. Que ce soit le crime qu'il y a eu à Paris, du jeune homme de 18 ans, rahimahullah, ou bien à Djouni, non loin de chez nous, et dans d'autres villes, les gens ont minimisé ce crime, ce péché. Et cela fait partie des signes de la fin du monde, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vers la fin des temps, les crimes vont se multiplier. Et tu entends des jeunes dire, nous allons nous venger. Et si eux ont tué une personne chez nous, nous on en tuera cinq ou plus. Et lui a fait telle chose et on va s'en prendre à son frère et à un tel et à un tel. Sachez qu'en parlant de la sorte, vous êtes pleinement en ressemblance avec les gens de la Jahiliya, les gens de la période anti-islamique. Lorsqu'une personne chez eux était touchée, ils en touchaient 10 en face. Et lorsqu'une personne était touchée, il venait assassiner entièrement toute la famille. Mais Allah Azza wa Jal, de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a proscrit l'injustice et nous a interdit tout cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Allah le très haut dit, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waj'altu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendu entre vous interdite. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Et par la suite, tu trouves les amis de cette personne qui a été assassinée. Se concerter mutuellement et envoyer des messages sur Facebook et d'autres pour dire rendez-vous à Pantin pour la salat jenaza. Et tu trouves que la moitié d'entre eux sont à l'extérieur de la prière et ne font même pas la prière. Et avec cela, vous voulez être profitable aux défunts. Pleurez pour vous-même. Et réformez-vous vous-même avant de pleurer pour le défunt. Celui qui n'a d'autre but que de semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal aura la même finalité que ce qui nous a été raconté dans le Coran concernant Fir'aoun et ses adeptes, wal'iyadu billah. Que fais-tu donc de cette jeunesse, ô mon cher frère? Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que le pied d'une personne ne traversera pas la place du jugement dernier sans qu'il ne soit questionné sur quatre choses. Sur sa vie, ce qu'il en a fait. Sur sa jeunesse, dans quoi il l'a passé. Sur son argent, d'où il l'a eu, dans quoi il l'a dépensé. Et remarquez dans ce hadith qu'après avoir cité la vie de la personne, on cite sa jeunesse, alors que la jeunesse fait partie de la vie de l'homme. Si ce n'est que c'est une partie de la vie dans laquelle il y a une certaine force et de nombreuses ambitions et où la personne peut flancher et céder à ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rappelle cette partie de ta vie. Qu'est-ce que tu vas en faire et qu'est-ce que tu en as fait? Délaisse les longs espoirs et les faux espoirs et les illusions données par le shaytan et reviens à Allah azza wa jal avec un repentir sincère et délaisse ces histoires. Combien se font ennemis juste parce qu'un tel habite dans tel quartier et lui habite dans tel quartier? Subhanallah. Et si tu venais à lui demander pourquoi est-ce que tu as la haine contre un tel, il ne sait même pas. Mais les grands de son quartier étaient en dispute, alors lui vient et fait la même chose. Il se met en colère pour des choses de la jahiliya wal iyadu billah. Fattakullah ya ibadallah wa shabab al muslimin. Craignez Allah azza wa jalla. Et délaissez ces histoires. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous une personne dans le quartier pour raisonner les autres? Pour appeler les jeunes à l'ordre et les conseiller? Et les sommer de cesser toutes ces fitanes, ces troubles et ces crimes? وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا أجمعين وأن يهدي شباب المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. Ceci étant dit, mes chers frères, il m'est parvenu qu'un enfant nommé Anas, qu'Allah allonge sa vie et le soigne, est revenu avec ses parents du royaume de l'Arabie, car il lui a été découvert une maladie grave. Il est revenu pour des soins. Et on s'associe à sa famille dans leur tristesse et leur douleur. Et on demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder un prompt rétablissement et la guérison. Et de le faire grandir sur l'islam et la sunna. Et d'accorder à ses parents l'endurance et la récompense pour leur patience. Aussi un de nos chers frères, Abu Salim, Hafidahullah Ta'ala, qui a étudié et qui aime la science. Un frère du 95, on m'a informé hier qu'il a été touché d'une maladie, la méningite, et suite à cela, il est tombé dans le coma. Et c'est une personne sur la sunna qui aime la science et les gens de science, et qui nous a précédé dans l'étude. C'est une personne de piété, nahsibu kadhalik wallahu hasibu. Et il est tombé dans le coma. Et on s'associe à sa famille dans leur douleur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une bonne fin et de lui pardonner et d'allonger nos vies sur l'islam et sur la sunna et d'accorder assistance à sa famille. Et d'autres, parmi ceux que nous ne connaissons pas, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît, نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء والعافية وكذا أدعو لأم الأهل قد أصابها مرض فنسأل الله عز وجل أن يشفيها اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن أبلي بادي دي لا مسكي financièrement. Jazakumullahu khayran. Walhamdulillah.